L'étau. Bonjour et bienvenue dans Chouette, un podcast alliant une fois de plus cinéma et musique. Et quoi de mieux que de le faire avec une invitée hors du commun que j'ai rencontrée un autre été. Je vous dis ça parce que le film dont on va parler démontre par A plus B que les plus belles rencontres se font bien sûr l'été, que ce soit dans une salle de ciné ou dans une rue bondée. Je ne peux l'imaginer que le point levé. Avec elle, j'ai quelquefois arpenté des contrées imaginaires peuplées de donjons et de dragons, sautant à cloche-pied entre le rêve et la réalité. Mais alors, c'est quoi l'identité? Que doit-on faire de nos espérances passionnées? Que de questions qui me font me demander ce qu'elle nous fera découvrir comme musique, car je lui ai demandé de me ramener quelques chansons, sans doute remplies de cyrillique. L'avenir nous le dira, et comme diraient les Beatles, « We are back in the USSR ». Salut Maria ! Salut, c'était très beau. Ah, merci. Comment ça va, Maria ? Eh bah, bien, très bien, Julien, et toi ? Ah, ça va, Maria. Écoute, je suis ravi que tu aies accepté mon invitation. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots dans quoi tu travailles ? Parce que je trouve ça absolument fascinant. Alors moi, en ce moment, je suis en stage d'assistante de production dans une petite boîte de production audiovisuelle à Paris. Et... Oh bah le cinoche, hein. Et ouais, j'espère bien rester dedans, ça me plaît beaucoup. Et... Putain, trop cool. Est-ce que tu peux nous dire, vite fait, parce que c'est peut-être pas connu de tout le monde, en quoi consiste le travail d'un producteur en vrai ? Le producteur, il fait en quelque sorte le travail de rassembler tous ceux qui participent au processus cinématographique, c'est-à-dire que... C'est lui qui potentiellement va avoir l'idée du film, ou alors il va recevoir un scénario ou une idée déjà faite. Yes. Il va également suivre le processus d'écriture, il va dire que peut-être ça c'est pas possible, là elle manque des choses, là cet acte 2 il est pas assez fort, yes. Etc. Et puis c'est lui qui va trouver l'équipe technique, qui va organiser les journées de tournage, qui va suivre tout l'administratif, chercher des financements et... Oui, parce que finalement, c'est pas que la thune, hein. J'entends trop ça, voilà. C'est vrai qu'on pense essentiellement à ça, mais en fait, le producteur, il s'occupe d'organiser tous les processus, quoi. Et c'est ça qui est super intéressant pour moi, en tout cas, parce que même si la production, c'est peut-être pas le poste qui me plaît le plus dans le cinéma, ça permet de tout voir. Bah écoute, moi pareil, je savais pas trop en quoi ça consistait jusqu'à il y a quelques temps, et du coup quand j'ai vu toute la richesse du métier de producteur, j'ai fait ah oui quand même, yes, merci à eux, c'est cool. Effectivement, c'est un petit peu le ciment, si tu veux, qui lie toutes les parties du film. Ouais, c'est le lien, c'est la bonne patte d'un bon clafoutis, voilà. Et du coup, j'ai cru comprendre que tu avais une chaîne YouTube. Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai une toute petite chaîne YouTube assez peu connue, à 68 000 abonnés. Yes ! Qui s'appelle Enfants de l'Est, et où je fais des vidéos de vulgarisation de la culture russe. Ah. Car je suis russe d'origine, je suis en France depuis 10 ans. Donc, j'ai seulement déménagé quand j'avais 13 ans. Yes ! Et ça me permet... non seulement d'en apprendre plus au public français sur ma culture, mais aussi, en quelque sorte, de faire le pont avec cette culture où je ne vis plus depuis 10 ans, mais qui sera toujours la mienne. Ben ouais, c'est pour ça justement que j'avais trop envie de parler de toi, du film dont on va parler ce soir, qui est Leto. Leto. Leto. Alors, je vais faire un petit pitch. Du coup, c'est un film sorti en 2018 et réalisé par Kirill Serebrennikov, un film qu'on peut prendre pour un biopic caché des groupes russes Kino et Zoopark, mais qui est bien plus, selon moi, une immersion dans la jeunesse, la scène du musical soviétique du début des années 80, quoi, tout simplement. Un film singulier, d'une richesse folle, un chef-d'œuvre pour moi, un chef-d'œuvre rare, qui fait dire « le rock est mort, vive le rock hein, », comme ça. Maria, est-ce que tu peux nous dire ce que t'en as pensé de Leto ? Juste pour reprendre ce que t'as dit, je suis pas forcément d'accord avec toi sur la notion de biopic. Ouais, justement, c'est pour ça. Parce que je pense qu'il aborde quand même une partie très précise de leur vie, et que beaucoup de gens, en fait, les grosses critiques qu'il a reçues, c'est que Les gens disent que c'était pas comme ça. Il y avait notamment l'un des protagonistes du film qui était que brièvement mentionné, Bob, qui est en fait le chanteur du groupe Aquarium, qui ne participe pas directement au film mais qui est mentionné. Et lui, il a dit qu'il connaissait tout le monde, que c'était pas du tout comme ça. Mais en fait, c'est pas ça qui fait la beauté du film. Et effectivement, j'ai beaucoup adoré. J'ai trouvé que c'était un film qui... Il casse un petit peu les attentes, parce que moi, quand j'entends un film sur les rockers des années 80, l'underground, moi, je m'imagine tout de suite le sexe, la drogue, la débauche. Alors que ce film, il est beaucoup plus, je dirais, naïf et romantique, et que les protagonistes, ils sont très... Ils sont assez terre à terre, ils sont simples, ils sont proches, ils sont proches l'un de l'autre, ils tombent amoureux, ils se baladent dans la ville. Et c'est cette sensation de luminosité, tu vois. Ouais, carrément. Bah, justement, c'est pour ça que, pareil, je suis pas d'accord avec le terme biopic que j'ai vu passer plein de fois sur ce film, quoi. Parce que c'est limite un prétexte que ce soit ces personnages-là, parce que finalement, voilà, c'est une chronique de la jeunesse de ces années-là qui fait comme elle peut avec ce qu'elle a, quoi. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est l'inclusion de ce personnage du sceptique qui apparaît tout le temps pour dire non, l'acteur il ressemble pas, non, en fait c'était pas comme ça, non, en fait c'est n'importe quoi, comme justement la voix de cette critique à laquelle il s'attendait probablement. Ouais, clairement. Alors, ça, c'est clairement le meilleur, une des meilleures innées de cinéma que j'ai jamais vu. Ça, c'est un truc de fou. Enfin, de toute façon, tous les gens autour de moi qui ont vu ce film m'en ont parlé. Et effectivement, c'est ce que les gens retiennent, le sceptique. Mais ouais, je voulais dire un truc justement sur cette omission du fameux Bob. Tu sais, j'ai vu aussi que du coup, le réalisateur avait fait l'impasse. J'ai trouvé ça sur Allociné, hein. Halluciné, tout simplement. Voilà, apparemment, le réalisateur a fait le choix de ne pas raconter justement l'issue tragique de Victor et de Mike, parce que bon, ils ont eu des problèmes dans la vie, quoi. Mais justement, ils voulaient faire un film sur, je cite, des gens qui étaient heureux, qui jouissaient d'une liberté de création totale malgré la pression des autorités. Ils faisaient de la musique, ils ne voyaient pas comment ne pas créer ainsi. Il leur aurait été contre nature de faire autrement. Voilà, j'ai trouvé ça fort à propos. Et même si, malgré tout, la figure de l'autorité est assez peu présente dans le film, malgré ce que je l'aurais cru. Il y a cette magnifique scène au début, tu sais, où les protagonistes se font engueuler par un vieux papy dans le métro qui dit « Ouais, le pays, il vous a éduqué, il vous a tout donné, et vous lui rendez l'appareil, comme ça. » Exactement, et même dans la première scène du film, qui se passe dans une salle de théâtre, enfin de concert, où évidemment, tous les jeunes sont assis à un concert de rock et sont priés de ne pas trop bouger, de ne pas trop danser, parce que voilà. C'était d'autant plus puissant quand il y avait la scène imaginaire, alors, quand tout le monde se lève et tout le monde pousse les chaises et commence à faire la fête, c'était excellent. Voilà, parce qu'en fait, je sais pas trop par où commencer pour parler de ce film, parce qu'il y a tellement de choses dont on peut parler et tellement d'inventions. Est-ce qu'on peut parler d'abord des reprises musicales qui sont dans le film? Parce que du coup, le film est ponctué par quatre scènes qui sont des reprises de grands tubes de rock, notamment Psycho Killer, Perfect Day, The Passenger et All the Young Dudes, des scènes où déjà il y a l'apparition du sceptique justement. Est-ce qu'on parle de ça, Maria? De quoi tu veux parler d'abord? Je pense que c'est un bon début, parce qu'effectivement la musique, c'est un peu le fil directeur du film naturellement, mais de deux types. Donc il y a, comme tu dis, les reprises des titres américains chantés avec des accents incroyables des papis dans le bus. C'était un peu gênant pour Psycho Killer de voilà, pour ma part. Tu trouves? Parce que moi c'était une scène que, en fait, en finissant le film, j'ai remonté jusqu'à cette scène pour la regarder une deuxième fois tellement je l'ai adoré. Ouais. Moi c'était Perfect Day, mais je me souviens la première fois que je l'ai vu au cinéma, c'est ce moment au début de la scène de Psycho Killer. Je me suis dit, ah là c'est le moment où soit ça devient un film incroyable et génial, soit ça tombe dans le awkward, tu vois. Et effectivement, c'est merveilleux, mais j'ai eu très peur, parce que tu vois, je sais pas pourquoi, j'ai eu peur, bref. Je pense que l'intervention du sceptique qui introduit cette scène, qui caresse les cheveux du mec, qui lui fait un bisou sur le front, C'est déjà clairement un indicateur qu'on part sur une réalité parallèle. Ouais, c'est ça. Et c'était super bien introduit. Et je pense que ce qui t'a gêné le plus, c'est les parties en français. Parce que clairement, moi, je Ouais. comprenais pas ce qu'il dit. Ouais, mais moi non plus. Mais c'est compliqué. Ça fait vraiment cette impression. Le film, on dirait vraiment un collage. Clairement, et puis moi, ce qui m'a fait le plus penser au collage, c'est la dernière scène justement musicale de All the Young Dudes, qui est pour moi maintenant une de mes scènes préférées du cinéma, quoi. Tout confondu, quoi. C'est que dans cette scène, eh bien, les protagonistes du coup s'amusent à recréer des pochettes connues, une scène merveilleuse, hyper bien montée, d'ailleurs en couleur, avec des passages en couleur. Ça qui m'a fait un petit peu me demander quand il y avait des passages en couleur, est-ce qu'il s'agissait peut-être des vrais clips, des vrais vidéos des protagonistes, par exemple, Ah ouais. notamment bah, la toute première scène sur la plage où ils s'amusent, ils mangent des fruits, ils sont dans la mer à poil. Ouais. À des moments, on revoyait cette scène mais en couleur. Et je suis toujours pas sûre Ouais, si carrément, ouais. c'est parce que pour moi ça aurait été une inclusion parfaite si vidéo il y a d'inclure des vraies vidéos, mais je suis toujours pas sûre parce que quand Ouais. même ça correspond très bien à l'apparence des acteurs, etc. Donc. Oui, je pense que filmé pour le film, quoi, mais je pense que c'est justement pour donner cette impression. Mais ça fait vraiment un film scrapbook, tu vois, avec des petites notes, des petites photos en couleur ou en noir et blanc, et des textes, et des musiques, et des reprises, ou bien de la musique. Intradiégétique. C'est ça, avec de l'anime sur ces phases musicales là, des Ouais. petites animations en blanc, des rajouts, voilà, comme si, tu sais. Qui me fait penser à cette technique de grattage sur pellicule pour faire de l'animation là, comme si Ouais, carrément. bref, comme si on travaillait, tu vois, la matière, tu vois. C'est comme si ce thème de ces musiciens qui refont complètement les couvertures des albums américains pour les distribuer illégalement. C'est comme si en fait le film elle reprenait exactement cette forme. Exactement, ouais. Moi, ça me fait penser un peu à des inspirations bah, du fanzine de l'époque, de toute la scène. Bah, de la montée de la scène punk, du DIY, t'sais, de cet aspect bah, aussi lié à l'underground, où bah, on fait avec ce qu'on a, quoi, et go. Et en fait, on va essayer de, t'sais, de faire monter une beauté, une poésie de la vie qu'on mène, quoi, simplement, avec les moyens du bord, et let's go, quoi. Et tu sais, plusieurs fois quand la musique américaine apparaissait, il y avait un texte en anglais sur la gauche et un texte en russe à la droite, avec la traduction de ces paroles. J'ai trouvé ça très fort que la dernière fois qu'on voit un dispositif comme ça, ce soit un texte qui a été écrit en russe et du coup il manque la partie de gauche. Comme si en Ah fait oui. cette jeunesse réussissait à trouver leur identité. C'est Parce que tu ça. sais. Ouais, j'ai trouvé ça très beau aussi, ouais. Ouais, carrément, ouais. Il y a ce De ouf. questionnement de la Ouais. part de Mike qui dit, oui, ok, si je me fais distribuer aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont trouver de neuf dans ma musique alors qu'ils ont déjà entendu tous ces grands artistes? Et au final, le fait que ça finit pas exactement sur ça, mais que ce soit le dernier passage avec les paroles écrites sur l'écran, j'ai trouvé ça très fort sur ce niveau-là. Ouais, de ouf. Bah, y a... enfin, moi, ça m'a beaucoup touché, ça, tout ce délire de l'appropriation bah, de sa musique, de, comment dire, d'une acceptation de sa culture à soi. Voilà. Moi, j'ai toujours cette image de Mike qui redessine et redessine des pochettes de disques. Je trouve ça très très beau. Plein de micro-scènes me reviennent sur un peu cette mélancolie. Tu vois, moi j'ai perçu les moments où il dessinait les pochettes, justement parce que je pensais que c'était destiné à la redistribution, qu'il copiait du coup les pochettes. Ouais, bah oui. Oui. C'est son travail, je crois, en plus. Et j'ai pas forcément trouvé, tu vois, l'aspect. Moi je l'ai vraiment perçu avec un aspect purement pratique. Ah, il les redessine pour les redistribuer, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est très poétique aussi. Bah, tu sais, quand tu le vois, t'sais, on sent qu'il s'implique émotionnellement, quoi. On le voit vraiment à sa table, tu vois, vraiment à fond, quoi. Il fait pas ça à la légère. Pour lui, c'est, je pense, quelque chose de passionné, enfin, c'est tout ce qui l'anime, quoi. Donc je pense que Bah c'est sûr, c'est quelqu'un qui a pas des carnets entiers de traductions de paroles dans sa maison, qui a ouais. toute une collection, c'est clair que c'est sa vie. D'ailleurs, Maria, c'était une des questions que je voulais te poser au niveau de la traduction. toi qui es russophone, qu'est-ce que t'as pensé de toutes les traductions qui ponctuent le film? Qu'est-ce que t'as pensé de l'écriture du film, de l'écriture des paroles, tout ça? Dis-nous. Pour commencer, je vais dire je l'ai regardé en russe, j'ai pas vu les sous-titres français, donc je pourrais pas te dire si c'était bien traduit. Concernant la langue du film, j'ai beaucoup aimé son naturel. Et ça joue aussi dans la performance des deux acteurs principaux qui sont quelque part un petit peu rigides, parce que par exemple celui qui joue Mike, ce n'est pas un acteur, c'est un musicien très connu en Russie d'ailleurs, et il était également critiqué pour avoir pris ce rôle, parce que disons remplacer un grand musicien par un autre musicien connu, ça fait un peu bizarre, et pourtant il y ressemble vachement. Ah ouais. Mais c'est pour ça qu'il est un petit peu rigide dans son jeu. Putain, c'est fou. Et moi, j'ai trouvé que ça apporte un genre de naturel, un petit peu naïf, même s'il est un petit peu maladroit. Bah, leur performance, et généralement, les dialogues étaient vraiment naturels, et l'intervention du public, des gens dans le bus, des gens dans le train, pour moi, était d'un naturel le plus complet. Quoi. Ouais. Mais on sent que c'est juste et très très bien dirigé. Enfin, j'ai senti une rigueur dans la... Comment dire, dans la chorégraphie des scènes, notamment des scènes musicales, mais pas que. Pense à la scène de la plage, à la scène de promenade entre Victor et Natacha, qui se promènent pour chercher un cadeau à Mike, tout ça. Vraiment, il y a une rigueur dans le rythme du phrasé, même si, voilà, je lisais les sous-titres, il y avait quand même, je sentais quand même un certain rythme dans le montage, dans la chorégraphie des scènes. Ouais, c'est très impressionnant à ce niveau-là aussi. Il y a certaines affections sincères pour ce quotidien qu'il représente dans la représentation de ces scènes, comme tu dis. Vraiment, ce pique-nique près du bord de la mer où tout le monde... Après, ils ont commencé à sauter par-dessus du feu. Ce qui est assez drôle, c'est une tradition folklorique russe, si tu veux. Donc, Ah ouais ? Oui. Putain, c'est fou. Et c'est normal, et tu vois, ça paraît tout à fait naturel que quand tu es bourré et tu fais la fête, tu te dis, bah tiens, on va sauter au-dessus du feu, parce que c'est quelque chose qui est dans ton imaginaire, ouais. Tu vois. Et j'ai trouvé que les figurants qui représentaient le public soviétique, je me suis demandé à un moment, parce que généralement, on s'imagine pas les comédiens comme ça, et pourtant, ils ont des comédiens qui ont tellement de ces tronches soviétiques. Ouais, il y a vraiment des gueules, quoi. Mais ce que je te propose, c'est qu'on s'écoute un morceau. Allez. Là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que tu me ferais écouter? Alors, le premier morceau que je t'ai apporté, il est totalement dans le thème du film. Yes. Car il s'agit d'un morceau de Victor Tsoï, de son album, le dernier album qui est sorti pendant sa vie, et qui s'appelle « Pachka Cigarette », ouais. Qui se traduit par « un pack de cigarettes ». Ok. Et c'est une chanson... que je dirais, beaucoup de Russes, c'est la première chanson qu'ils apprennent à jouer à la guitare. Ah ouais, d'accord. Très bien. C'est... Les chansons de Tsoï, généralement, c'est qu'on choisit pour faire de la guitare dans la cour de ton immeuble. C'est très populaire à ce niveau-là, comme ça. Ça marche. Eh bien, écoute, on s'écoute ça tout de suite. Un paquet de cigarettes. Без вина, и никто не хотел руками жар загребать. без музыки не хочется пропадать, но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь avec Seuil, c'est que c'est brièvement abordé dans le film aussi, le fait que ses paroles sont très simples. Mmh. Ils sont extrêmement simples, ils utilisent des rimes très simples, ça parle de sujets assez quotidiens, comme ce qui est abordé dans le film, mes amis, ils vont tout le temps acheter de la bière, etc. Ce qui est brièvement manqué dans le film, et je pense que c'est ça la simplicité des accords et la simplicité des paroles qui fait que sa musique, c'est la musique de prédilection pour soirée du mec à la guitare que... c'est un peu un Wonderwall russe, quoi. Ouais, mais moi, c'est un peu ce qui m'a vraiment touché aussi, c'est cet attachement à la balade, peut-être à l'errance d'une certaine manière, mais à la simplicité, à juste, on marche et peut-être qu'il va se passer un truc de fou, peut-être qu'il va rien se passer d'extraordinaire, mais tout ce qui va se passer, eh ben on sera là pour le vivre, quoi. Et ça m'a vraiment touché. Ouais. Tu l'as vraiment bien pointé du doigt. Ouais. Yes. Maria, de quoi veux-tu parler maintenant dans ce film ? Si on continue sur ce thème de la promenade, ça nous permet de partir sur le cœur du sujet, qui est la relation entre l'épouse de Mike, Natalia, et Victor Tsoï. Une relation qui est très touchante dans le film, j'ai trouvé, parce qu'elle est vraiment adolescente, parce que comme ils disent, ils se tiennent la main, ils se font des bisous de temps en temps, mais il n'y a rien de plus, et c'est vraiment juste l'aspect amoureux, ouais, qu'ils cherchent. Clairement. Au début, quand j'ai vu ça arriver, à mon premier visionnage, quand le film était sorti, pareil, j'ai eu peur qu'on tombe dans le triangle amoureux classique. Oui. J'ai eu très très peur, encore une fois, j'ai fait « Ah non, non, non, non, ne gâchez pas tout !» Mais en fait, encore une fois, bah, c'est hyper bien maîtrisé. On te dit que justement ça va pas être quelque chose de transcendantal, mais ça va être fort parce que c'est vrai, quoi. Enfin, on essaie de rendre ça plausible, de montrer que ben voilà, comme tu dis, ils recherchent que l'amour finalement. Il y a une vraie souffrance de la part de Mike, même s'il dit voilà, t'as besoin de ma permission ou quoi, mais on sent à partir de ce moment qu'il est plus pareil, qu'il lévite un petit peu, et que la relation justement avec Victor Tsoï, qui continue à le regarder comme un peu un mentor, quelqu'un dont il respecte beaucoup l'opinion, ça casse un petit peu ce rapport. Et ben ouais, justement, moi j'ai été hyper touché par cette tristesse de Mike, et justement, c'est pour ça que j'ai autant chialé sur la reprise de Perfect Day de Lou Reed, avec cette scène totalement magnifique sous la pluie où il croise une dame complètement folle en chantant et tout, et en montant cet escalier avec tous ses anges et tout. Dit comme ça peut paraître fou si quelqu'un écoute ce podcast sans avoir vu le film, mais c'est. Ça représente tellement l'état d'esprit à chaque fois du personnage. Et au niveau de ces scènes-là, je pense que celle qui m'a le plus plu, c'est celle dans le bus. Alors tu diras mieux que moi quelle chanson Eh c'était. ben, c'était The Passenger, du coup. C'était The Passenger de Iggy Pop, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Où justement, ils reviennent Oui, c'est ça. d'une quête pour trouver un cadeau, si je me souviens bien. Et donc, ils trouvent cette fameuse tasse de café. Ça aussi, qui est incroyable. Tu sais, on pourrait faire limite des affiches. C'est comme si c'était une scène hyper culte du cinéma avec deux amoureux qui tiennent une tasse de café. On saurait direct que ça vient de Leto, quoi. Comme pour la tomate, c'est des choses qui. C'est vraiment le langage corporel pendant cette scène qui est tellement introductif, oui, de cette relation naissante, la façon dont il la tient, pendant qu'elle elle essaie de garder la tasse en équilibre parmi tous ces gens dans ce petit bus étroit. Et ce thème cosmique qui ressort dans les illustrations, justement, quand Victor il va monter sur le toit du bus, de façon absolument improbable, mais très belle. Je pense que ça aborde de façon assez intéressante, cette relation, en fait, le fait que dans un couple stable et durable qu'on peut rechercher quelque chose d'autre, mais ce quelque chose d'autre, c'est pas forcément le sexe, c'est pas forcément un intérêt corporel, mais vraiment l'envie de tomber amoureux de nouveau, avoir cette relation naissante de nouveau, alors que dans ton couple, tu es très heureux, mais en fait, t'auras plus jamais ce moment initial. Ouais. Natacha, le personnage de Natacha, justement, c'est un personnage qui m'a vachement fasciné parce que justement, il y a cette complexité sur ce qu'elle veut expérimenter, sur ce qu'elle veut vivre. J'ai beaucoup apprécié que le film justement ne la présente pas comme la vilaine qui est en train de briser le cœur de Mike. Ouais, clairement, comme oui, la traîtresse, quoi. Ah là là, c'est ça. Non, en fait, elle essaie juste bah, de vivre ses sentiments à fond et mine de rien, enfin j'ai trouvé ça vachement bah, féministe quoi tout simplement. On montre Natacha ben bah, qui va quoi. Oui, et le regard du réalisateur, je l'ai trouvé très empathique vis-à-vis de la complexité justement des sentiments. Que en fait les relations c'est pas simple, c'est pas aussi clair que voilà on s'est marié, on a un enfant et tout va très bien. Et effectivement, moi justement, ce qui me plombe beaucoup dans les films, c'est quand il y a des petites piques sexistes qui apparaissent Ouais, sans que ouais, ouais, personne n'y ouais. prête attention, quoi. C'est ça. Et là, ce qui est d'autant plus fort, c'est qu'on se trouve dans un. Enfin, c'est un film qui parle d'un moment dans l'histoire bah, qui pouvait être assez dur pour la jeunesse, quoi. Mais en fait, eh bah, les gens sont normaux, sont attentionnés vis-à-vis de l'autre, sont à l'écoute. Tu vois, ils se disent les choses, ils essaient Il y a une liberté, voilà. Ils essaient de promouvoir la liberté Oui. de l'autre, de dire. Ben on n'est pas là pour se prendre le bec et du coup essayons de s'élever tous ensemble quoi. Ce serait très facile de tomber dans une histoire de oh Mike il est jaloux de Victor, du coup il va essayer de plomber sa carrière. C'est ça. En écrivant des chansons tristes. Et pourtant, c'est lui qui lui propose d'enregistrer son Ouais. album pour garder les chansons pour la postériorité. Parce qu'ils ont aussi cet idéal, voilà, c'est dans leur trip, quoi, il faut faire de la musique. Aussi intéressant parce que le moment de la carrière de Tsoï qu'il représente, et même la représentation elle-même, de ce que j'ai trouvé, tu me diras ce que t'en penses, n'est pas très flatteuse pour Victor Tsoï en lui-même, parce que, ok, leur premier concert, c'est un échec relatif. Parce que moi, je suis pas du tout, comment dire, je suis pas du tout un connaisseur de l'histoire de Kino ou Zoo Park ou voilà. Donc, Alors moi pas du tout non éclaire-nous. plus, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé parce que tu sais, typiquement dans ce genre d'histoire, on va dire le premier concert, il est un peu bof, mais il se relève et il fait des choses incroyables. Alors que pendant tout le film, on a des moments où par exemple au moment où Victor il enregistre sa chanson, Ah, ouais. Il y en a d'autres qui, derrière son dos, interviennent à la guitare, qui trouvent forcément du coup que ce qu'il fait, c'est peut-être pas assez bien. Et même Mike, quand il dit en fait il faut enregistrer ses chansons pour les laisser partir et pour se libérer, on a l'impression un petit peu qu'il trouve que c'est peut-être pas assez. Je sais pas si tu as eu cette impression. Ce que j'ai pas compris aussi, c'est le premier concert, pourquoi Victor a décidé de mettre ses chemises? Ah, grande question que les chemises. Peut-être c'est une référence à quelque chose qu'on comprendra. Je sais pas du tout. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que t'as décelé d'autres symboles comme le feu par-delà lequel on saute, je sais pas, la tomate, des symboles typiquement russes. Il n'y a rien qui me vient en tête. Je pense que il faut le regarder, tu vois, cas par cas. Parce que c'est que, non, c'est que au moment où on a parlé du feu que ça m'a marqué, que peut-être tu sais pas que c'est une tradition, etc. Mais vu que c'est des choses qui pour moi peut-être paraissent plus naturelles, ça me saute pas forcément à l'esprit, tu vois. Au final, tant pis, parce que j'ai envie de te dire, moi ce qui m'a plu, c'est tout cet aspect mystérieux du film, cet aspect un peu éthéré, intemporel. Enfin, tu sais, il y a des symboles comme la tomate, j'y reviens toujours, à chaque fois. Maintenant, depuis que j'ai vu ce film, dès que je vois une tomate, des grosses tomates un peu cœur de bœuf, je repense à Natacha et à Victor. C'est fou, quoi, il y a des choses très. Tomate, effectivement, la tomate, c'est pas quelque chose. On offre une tomate à sa bien-aimée. Aujourd'hui, par contre, j'écoutais une vidéo intéressante sur les choses qu'il n'y avait pas ou qu'on n'avait pas simplement accès en URSS. Et aujourd'hui, j'ai entendu du coup que pour les fruits et légumes frais, c'était pas du tout évident, vu que tu sais, la production était gérée par l'État et que souvent, non seulement il n'y avait pas de grande variété, mais en plus, quand les légumes ils arrivaient, ils étaient souvent déjà dans un état de pourriture certaine. Et aussi, ce qui est développé beaucoup en Russie, c'est les jardins privés, qui sont vraiment pas chers en dehors de la ville et c'est. Tu vas là-bas pour cultiver tes fruits et légumes. Donc c'est possible pour moi que ils se partagent cette tomate parce que pour eux ça c'est peut-être un peu plus ça a un peu plus de valeur que pour Ok. nous qui pouvons juste aller au supermarché acheter des tomates. Peut-être c'est une tomate qui était ramenée par sa maman du jardin. Peut-être c'est une tomate. Voilà, ça peut avoir plus de valeur. Et je pense que les gens à l'époque trouvaient plus de Oui. il y avait plus d'excitation vis-à-vis les fruits et légumes Ouais. que nous on peut ressentir. Encore une chose hyper intéressante du film, c'est que le réalisateur, finalement, il utilise ce genre de symbole pour nous. Pour montrer aux spectateurs, ben voilà quelle est la valeur des choses, voilà quel est le rapport au réel des personnages, voilà, ben voilà, genre ils ont une tomate, c'est incroyable, ok? Et du coup, ben ils savourent ces moments, même si pour nous ça paraît pas grand-chose, ben ils savourent cette tomate. Cette naïveté romantique de ces personnages, effectivement. Alors, vu qu'on parle de choses qui sont purement russes et soviétiques, et toi, tu m'as dit que tu trouvais que le film était vachement intemporel. Alors, c'est pas du tout l'impression que j'ai eue, et d'ailleurs, je me suis posé la question, parce que. Éthéré plus qu'intemporel, parce que ouais, intemporel, ouais, bon. Mais tu vois, je voulais dire qu'il y avait cet aspect de flottement, quoi. Allez, bon. Je sais qu'il y a beaucoup d'intellectuels français, le film il est passé à Cannes, Serebrennikov vu qu'il passait l'année dernière, il me semble, au Festival d'Avignon, et bien sûr tous les théâtraux du Festival d'Avignon s'extasiaient sur le film. Et pourtant, la personne qui présentait le film à Ouais. Cannes a confondu dans son discours l'époque stalinienne et l'époque du film, du coup de Oh là Brejnev. là. Ce qui fait me demander, est-ce que les gens, ils Oh là là apprécient là le là. film parce qu'ils ressentent vraiment cette, comment dire, ce quotidien de ces gens et est-ce qu'ils comprennent véritablement? Tu vois, ça, c'est un aspect que j'aime Ouais, pas. je vois très bien. Parce que clairement, moi, pour le coup, j'ai aimé le film, justement, d'abord, en premier lieu, parce que ça m'a renvoyé à des souvenirs à moi et des choses très intimes sur le rapport à la musique, à la création, à. Tu vois, à la passion d'un hobby, quoi, et d'une, voilà, de l'art. Et du coup, après, j'ai senti, voilà, toutes ces couches qui font le film et qui font sa richesse. Mais du coup, je me sentais, et je me sens toujours pas, très digne et très, comment dire, connaisseur de toute cette époque-là, parce que je connais vraiment très peu l'histoire de la fin de l'URSS. Du coup, voilà, j'ai pas poussé, et du coup, c'est hyper intéressant et... C'est un aspect pour lequel je suis un peu partagée. Parce que d'une part, j'ai passé de longues discussions sous ma vidéo sur les comédies soviétiques avec les gens qui disaient « Ah ouais, mais de toute façon, les étrangers, ils ne peuvent pas comprendre ces films parce que ça représente beaucoup trop de réalité russe. » Et moi, je disais « Oui, mais c'est comme quand nous, on regarde un film japonais, il y aura forcément des choses qu'on Oui, comprend voilà. pas, mais cela n'empêche qu'on apprécie le film. » C'est ça, exactement. Et au contraire, ça... En fait, j'ai l'impression, quand c'est bien fait, dans les films d'une autre culture voilà, auquel on n'est pas issu, ben, en fait, ça rajoute énormément de richesse et c'est énorme... enfin, c'est hyper fascinant de voir, ces gens évoluer dans un contexte particulier et d'apprendre juste des humains qui ont vécu autre part sur la Terre à une autre époque. C'est toujours hyper riche pour soi, quoi. Qu'il y a beaucoup d'affection vis-à-vis justement de cette jeunesse, de ces années. Tu sais, généralement, et moi, encore une fois, c'est l'une des choses qui m'a poussé à commencer ma chaîne, c'est que si on va parler de la Russie ou de l'URSS, on parle de ces régimes oppressifs, on parle de ces problèmes politiques. Et ce film, Ouais, de ouf. c'est comme une lettre d'amour à ce peuple quand même, dans le sens que même malgré toutes les difficultés qu'il y avait autour, c'était quand même des jeunes qui créaient, qui aimaient, qui Ouais, rêvaient clairement. de quelque chose de mieux. Ouais. C'est ça, et ça, du coup, je l'ai senti aussi, et ça m'a fait beaucoup de bien, même si, voilà, je suis pas russe ou quoi, et ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. À ce niveau-là, je pense que ça peut faire du bien aux gens de voir, bah, tout simplement des soviétiques dans leur quotidien et voir qu'ils ne sont pas. Alors, soit brainwashé, soit sans pour autant nier évidemment ces problèmes, parce que dans les années 80, alors juste petit point historique, dans les années 60, il y a eu un petit réchauffement, 50-60, il y a eu ce qu'on appelait le dégel. Alors, c'est à ce moment-là où la censure s'est beaucoup affaiblie. On a ramené du Picasso à Moscou, ce qui a choqué complètement les gens, ils n'avaient pas du tout vu ça. Il y avait un festival de la jeunesse mondiale où, en gros, c'était le moment où les Soviétiques ils étaient confrontés au monde entier. Ils n'avaient jamais vu autant de personnes du monde entier. Il y avait même Solzhenitsyn qui était publié. Et puis, vers le milieu des années 60, on est revenu à cette période qui s'appelle maintenant la stagnation. Et c'est à la fin de cette période que se trouve le film, où la censure est revenue et c'est devenu Oui. pire qu'avant, si tu veux. Oui, quand je dis que c'est une lettre d'amour pour les soviétiques, j'essaie pas du tout de nier ce contexte, j'essaie pas du tout de nier, bah, littéralement des vies créatives cassées par ce régime. Moi, je repense toujours à Solzhenitsyn, effectivement, qui avait reçu le prix Nobel de littérature et qui n'a pas pu aller le recevoir parce qu'il savait que s'il y allait, on ne le laisserait pas rentrer dans le pays. Donc, à côté, effectivement, de ça, il y a tellement de vies cassées parce qu'on leur a pas laissé vivre leur plein potentiel. Et je pense que c'est aussi un petit peu cette tristesse existentielle de Mike, où d'un côté, on a Victor Tsoï qui ne veut pas changer ses paroles qui sont très simples et très populaires. De l'autre côté, on a Mike qui, toute sa vie, il essaie d'atteindre cette musique qu'il admire. Oui, il aspire. Il Ouais. aspire et il souffre en même temps de ne pas pouvoir être ce qu'il considère à leur niveau et être dans leur milieu. Et il considère en fait sa musique comme un sous-produit en quelque sorte de cette musique qu'il admire. Ouais, toujours en se dénigrant, en se disant, ben non, je serai toujours à la deuxième place quoi que je fasse, mais non. Super. Est-ce que tu veux qu'on s'écoute un autre morceau de ton cru, Maria? Alors cette fois-ci, c'est un morceau de mon cru. Il n'a pas grand-chose à voir avec le film, mais je trouve qu'au niveau émotionnel, il est assez proche. Et en comparant avec la chanson qu'on a écoutée D'accord. précédemment, je pense que c'est un petit peu la même vibe. Ok. Mais cette fois-ci, c'est de la synth-pop. On dit synth-pop ou synth-pop? Ouais, comme tu veux. C'est une pop, ça passe bien. Ok. Pop. Ouais. Et c'est un groupe d'aujourd'hui qui s'appelle Electrophorese. Yes, ok. Et la chanson s'appelle La Princesse Russe, Ruska Princess. Et tu me diras ce que t'en penses. Tu vois, c'est la beauté aussi de la chose. Moi, ce que ma forme de vulgarisation préférée, si tu veux, c'est de faire savoir aux gens que ça existe. Donc, même pas forcément de donner des informations très précises ou pas forcément, mais juste tu apprends que ça existe parce que je pense que c'est déjà la moitié d'apprendre quelque chose. Tu te douterais peut-être jamais que ça existait, cette scène. C'est ça, ouais. Et moi, pareil, dans Chouette, des fois. Déjà aussi, je me concentre, je sais pas toi, sur l'aspect positif, tu vois. Je suis pas là pour, tu vois, je vais pas passer un truc que j'aime pas ou que je dénigre ou quoi, enfin même si voilà. Tu vois, j'essaie d'attiser la curiosité pour tout, tu vois. Même si c'est pas de notre milieu, genre au contraire, tu vois. Genre faut aller vers les choses qu'on connaît pas, faut découvrir et voilà. Ce qui m'a marqué au moment de l'écriture de la vidéo que je suis en train d'écrire, et notamment je parle du livre Stalker, pique-nique sur le bord de la route, qui est l'un des meilleurs livres de science-fiction soviétique. En gros, c'est écrit par les géants de la science-fiction soviétique, les frères Strugatsky. Et c'est le livre qui a donné notamment le film de Tarkovsky Stalker, même s'il a plus grand chose à voir. Et puis a dérivé les jeux Stalker, etc., etc. Et à chaque fois dans une forme séparée. Donc autant dire que c'est un livre qui est très important à la culture russe, et en même temps moi j'avais très hâte de le lire en voyant des extraits, en lisant. J'adorais le style, et je l'ai lu, et il était si sexiste que c'était... Moi personnellement c'était dur à lire à chaque fois que tous les personnages féminins, soit des épouses, soit des prostituées. C'était très dur pour moi de lire ça, et alors quand j'écrivais la vidéo, je me suis dit, est-ce que... Pour autant, je vais en parler dans l'épisode. Et du coup, t'as pris ta décision. Est-ce que tu vas essayer de le dire, mais d'une manière un peu fine, ou est-ce que t'as choisi juste de pas le dire? Je pense que je vais pas forcément en parler, et que si on me pose la question, je vais donner mon avis là-dessus. Mais je pense que... En fait, c'est toujours dur, quand on parle de sa culture... D'évoquer les côtés un peu moins bons, quoi. Et c'est toujours, même quand je fais des blagues sur des classiques, par exemple, du cinéma soviétique, etc., c'est toujours dur de savoir, est-ce que je... En fait, quelle impression je donne au viewer ? Est-ce qu'il va croire que je me moque, du coup, et que les films soviétiques, c'est juste ce genre de bizarrerie historique dont on peut se moquer, c'est drôle ? Ou est-ce que j'ai envie de donner quand même envie de découvrir ? Mais ce qu'on dit là, je pense que ça tombe à pic pour Leto. On parlait justement de questionnement qu'on pensait être à point nommé pour Leto, qui est que retranscrire, en gros, Maria, dis-moi si je me trompe, que retranscrire d'une culture qu'on aime ? Est-ce qu'on dit les côtés négatifs ou pas ? Est-ce qu'on les occulte ? Comment on les dit, si on veut les dire ? Je trouve que pour les Russes, c'est d'autant plus prononcé parce que, principalement chez les émigrés russes, souvent on se divise dans deux camps, c'est-à-dire il y en a un groupe qui va tomber dans l'adoration complète, qui va écouter des chansons soviétiques tout le temps, qui va crier que les médias occidentaux nous en veulent, et que tout le monde est russophobe. Alors, y a le deuxième groupe qui rejette complètement, il y a beaucoup de gens en Russie qui veulent rien avoir avec ce pays, et qui veulent juste se casser le plus vite possible. Et ça, c'est les deux extrêmes. Je vois. Et pour moi, effectivement, quand j'essaie de présenter, quand on parle de sa culture, et pour Leto, c'est d'autant plus intéressant parce que le film a quand même été produit, il me semble, par Columbia, qu'il a été financé en partie par les aides françaises du CNC, il me semble. Donc, en partie, pour le russe de la première catégorie, on pourrait dire qu'il s'est vendu aux occidentaux, qu'il pervertit notre culture. Alors, où est cette frontière entre présenter objectivement quelque chose, mais en même temps, tu veux pas dénigrer plus que ça? Et chez les Russes, ça se retrouve beaucoup, comme je disais. T'as envie de critiquer ton pays, mais en même temps, t'as peut-être pas envie de le critiquer envers ceux qui sont extérieurs et qui ne comprennent peut-être pas forcément la complexité de ta critique. En fait, moi, je pense que Leto a une justesse parfaite, en fait, qui maîtrise extrêmement bien la balance, justement, entre voilà ce qu'était, ce qu'aurait pu être, ou voilà, même s'il a fait des omissions et tout, la jeunesse dans ces années-là et tout, et d'un autre côté, voilà, c'était quand même dur, un petit peu, la vie à cette époque-là. Voilà, c'est hyper juste. Il arrive à présenter justement l'histoire de ces personnages qui, en soi, chez lui, sont super lumineux, sont super positifs. Et en même temps, il n'y a pas de forcing, on n'essaye pas de présenter la chose mieux que ce qu'il était, et en même temps, on n'essaye pas de noircir, de faire comme si à chaque fois ils font un pas dans la rue, ils se font cracher dessus par l'humanité entière. Et justement, est-ce que ça serait pas, Leto, genre une manière de prendre à contre-pied, une manière de présenter de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, de présenter les mythes musicaux états-uniens, qui sont pas du tout sur le même avec les mêmes codes. Enfin, tu vois, j'ai pensé que Leto prenait à contre-pied cette manière de raconter les histoires, les créatifs, les artistes à la sauce russe, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose de profondément russe dans cette manière de finir justement avec les dates de mort finalement des protagonistes qui sont très proches des événements du film qu'on voit et sur cette chanson triste. Et c'est quelque chose qui lie aussi la musique que j'ai choisie, électrophorèse, et qui le relie à Kino également. C'est le style qui est émergent en ce moment, je pense que tu es au courant, qui est le doomer. Ouais. Ah, bien sûr. Et effectivement, dans ces compilations, on trouve beaucoup de chansons de Victor Tsoï qui sont finalement, je pense, représentatives de cette profonde tristesse russe et en général post-soviétique. Je pense que le film, c'est un petit peu slice of life, donc il ne suit pas forcément une progression scénaristique du style obstacle, résolution, etc. Mais vraiment, c'est un moment dans la vie. Et c'est justement, tu sais, au début, je disais que la musique de Tsoï dans le film, elle n'atteint pas encore les hauteurs et la popularité qu'elle atteindra éventuellement. Donc, en fait, le morceau de sa vie qui est choisi pour le film, il n'est pas forcément très scénaristiquement logique, dans le sens où voilà, il était mauvais au début, il est bon à la fin, mais c'est juste un morceau. Ouais, de ouf. Et puis c'est un morceau un peu voilà, de flottement, encore une fois. Ouais, c'est intéressant, ouais, de ouf. Ben, je pense que, là encore, c'est un très très bon choix quoi, du réalisateur. C'est quand même, ça montre qu'il y a une vision derrière tout ça. Et le fait que Natacha était consultante sur le film, comme la seule survivante de ce trio, je pense que ça fait, même si on peut critiquer, comme justement Bob, il critiquait le film pour le fait que selon lui c'était pas comme ça, je pense que la vision de Natacha est tout autant valide. Oui, parce qu'au final on parle de ces trois personnes, donc bon. Oui. Voilà. Et puis je pense que le film il se libère de n'avoir qu'une seule subjectivité. Il se dit Je sais pas s'il s'en libère forcément. Je pense qu'il assume. Et je pense qu'il assume beaucoup. C'est le thème de la mémoire qui est vraiment omniprésent dans le film. Et je pense que, tu vois, cette inclusion de scènes qui n'avaient pas lieu et que peut-être les personnages auraient voulu qu'il ait lieu, c'est vraiment représentatif de cette mémoire. Et encore une fois, le thème de l'album photo, du scrapbook, c'est un morceau de la vie, mais dans lequel on interjecte des sentiments, des envies non réalisées, peut-être la vision de la scène par tel ou tel personnage. Et c'est ça qui est incroyablement réussi. Et je pense qu'on va se laisser là-dessus, sur ces belles paroles. Eh bien, merci pour cette discussion très enrichissante. Ah, mais merci Maria, c'était intense et merveilleux, voilà. j'espère en tout cas pour nos auditeurs qui n'ont pas vu Leto, que ça vous aura donné envie de voir ce film, ce chef-d'œuvre, cette merveille du monde. Et que ça ne vous a pas tout spoilé. Même si je pense que c'est pas un film qui devient pire en le spoilant. C'est clair, c'est une expérience, disons-le comme ça. Oui. Un moment de vie, voilà. Faut le prendre comme un moment de vie et en retirer ce qui nous touche. Voilà. Je te remercie en retour encore une fois, Maria, d'être venue. C'était trop trop bien. On va se laisser, comme le veut la coutume dans Chouette, par un morceau de musique encore de ta sélection, Maria. Quel sera-t-il ? Alors, pour finir, j'ai choisi ce morceau qui est un petit peu dérivatif du film, mais en même temps, je pense qu'il, thématiquement, tu verras, il correspond un petit peu dans l'esprit, encore une fois. Alors, c'est un groupe qui s'appelle Gражданская оборона, ce qui veut dire défense citoyenne. D'accord. Et le morceau s'appelle Zoopark, comme le groupe de Mike. Ok. Et même s'il est très simple, dans les paroles, il évoque le fait que dans ce zoo de la vie, on va trouver des animaux qui, au final, nous ressemblent et on va quitter le zoo ensemble. Yes. Et je trouve ça beau. Ben, c'est très, très beau. Donc, encore une fois, merci, Maria. Allez faire un tour dans la description. Il y aura beaucoup de liens, notamment vers ta chaîne YouTube exceptionnelle. Et voilà, des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.